Bonjour, je suis heureuse de commencer cette fabuleuse journée avec vous. Ensemble ce matin, nous allons nous ouvrir à toutes les opportunités. Pour commencer votre journée en pleine forme, je vous invite à prendre une grande inspiration. Gonflez vos poumons et votre ventre à leur maximum, puis évacuez totalement l'air de votre corps. Respirez naturellement et laissez votre souffle vous bercer quelques instants. Une belle journée commence toujours par un réveil en douceur. Accordez-vous ce moment sans vous brutaliser. Prochaine respiration, inspirez en posant votre attention sur le mot énergie. Sentez comme la chaleur de l'air vous apporte un regain d'énergie positive. Imaginez-vous vous gorger de cette énergie et nourrir chacune de vos cellules. Imaginez toutes les brumes de votre sommeil se dissiper. Votre esprit est de plus en plus clair à chaque respiration et votre conscience s'affine. Quel que soit votre programme, prenez le temps de poser une intention claire et précise à cet instant. Imaginez-vous traverser votre journée avec aisance, confiance et sécurité. Visualisez-vous serein et calme, empli d'énergie positive et capable de dépasser le moindre obstacle. Votre état d'esprit aura un impact puissant sur la façon dont se déroulera le restant de votre journée. Notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce que nous imaginons. En prenant un moment pour vous visualiser dans la réussite et la confiance, votre esprit suivra simplement le plan prévu au moment où cela se présentera. Respirez tranquillement avec ces images bienveillantes. Doucement, commencez à mettre votre corps en mouvement en bougeant vos orteils et vos doigts. Effectuez vos mouvements en pleine conscience, en observant toutes les sensations physiques que ces mouvements suscitent. Bougez vos chevilles et vos poignets. Puis étirez vos pieds vers le mur face à vous et levez les bras comme pour atteindre le ciel. Relâchez et prenez un moment pour vous étirer réellement afin de créer une énergie chaleureuse dans chacun de vos muscles. Votre esprit est réveillé désormais et votre corps l'est aussi. Vous êtes prêt à accueillir ce que le monde a à vous offrir aujourd'hui. Vivez cette journée avec confiance, bienveillance et curiosité. Très belle journée à vous. À ce soir.